Le panneau « Stop » impose un arrêt obligatoire. Quand une ligne est tracée, l'endroit où s'arrêter ne pose pas de problème. La voiture ne doit jamais dépasser la ligne. Mais quand il n'y a pas de ligne, ou quand celle-ci n'est pas visible, comme ici à cause de la neige, où s'arrêter? La règle est de ne pas déborder sur l'axe prioritaire tout en se plaçant le plus près possible pour voir correctement. Donc je vais m'arrêter à la limite de la chaussée abordée. Réponse B.